Le dernier combat de Jeanne d'Arc par Funk Brentano. Jeanne d'Arc avait 18 ans. Ses ennemis eux-mêmes rendaient hommage à sa vaillance, notamment le chroniqueur bourguignon, ce qui veut dire partisan des ducs de Bourgogne et allié des Anglais, Montrelet. Il nous l'a peint hardi à chevaucher destriers de guerre et les mener boire, et aussi à faire exploit d'hommes d'armes. Vierge des combats, elle ne se plaisait qu'en la compagnie des gens de guerre, dont elle aimait la droiture, la rondeur, la loyauté. Elle ne pouvait souffrir le docteur en us et en robe, ni les théologiens en quête de subtilité. Dans la suite, au cours de l'enquête faite sur sa vie en vue du procès de réhabilitation, un de ceux qui l'auront le mieux connu dira d'elle « Elle était simplette en toutes choses, hormis ce qui avait trait à la guerre, où elle était des plus expertes. » Le duc d'Alençon, qui commandait l'armée française, ajoutera « Elle était fort habile, soit manie la lance, soit rassembler une armée, à ordonner les batailles ou à disposer l'artillerie. » Les chefs anglais parlent aussi de l'habileté de la Pucelle à placer au bon endroit les bombardes et les canons. Après les premiers succès, après la bataille de Patay, la marche triomphale sur Reims et le couronnement, le roi de France, Charles VII, s'était retiré sur la Loire. Par tempérament et sous l'influence de son chancelier, l'archevêque de Reims, Regnault de Chartres, il négocia un accord avec le parti bourguignon et le duc Philippe le Bon, allié des Anglais. Leur défection aurait, sans nul doute, contraint les Croix-Rouges à rentrer en Angleterre. Pour comprendre ce qui suit, il importe de bien se rendre compte de la place occupée par Jeanne d'Arc dans l'armée française. Charles VII lui avait donné un brevet de chef de guerre, ce qui ne voulait pas dire que Jeanne commandait en chef l'armée française. Il y avait un assez grand nombre de chefs de guerre, sous les ordres du roi ou de ses lieutenants. L'expression désignait un grade précis et qui correspondait assez exactement à ce que sera le grade de colonel dans les armées françaises au XVIIIe siècle. Le chef de guerre commandait une compagnie qu'il avait recrutée à ses risques et périls, dont il était le maître absolu et avec laquelle il venait se mettre au service soit du roi, soit d'un grand seigneur, voire d'une municipalité, à des conditions à débattre au moment de l'engagement. Le brevet de chef de guerre représentait uniquement la licence donnée par le roi de recruter la compagnie en question et de la commander. La compagnie des guerriers recrutés et commandés par la Pucelle était composée de la manière la plus curieuse. Un chevalier italien nommé Barretta en était lieutenant, ce qui veut dire qu'il la commandait en l'absence de la Pucelle. Aussi trouvait-on nombre d'Italiens, puis des Écossais et des Français naturellement. À la compagnie était attaché un chapelain, pour dire la messe et confesser les hommes, un mire ou chirurgien pour les soigner s'ils tombaient malades ou étaient blessés, enfin un secrétaire chargé des paiements et des écritures. Jeanne d'Arc, en son humeur guerrière, poussait le roi à recommencer une lutte active contre les Anglais. Elle était en cela soutenue par les plus renommés des hommes d'armes, les Lahire et les Xaintrailles. Mais Regnault de Chartres inclinait à des suspensions d'armes et aux négociations. C'était déjà, comme on voit, le parti des patriotes résolus, celui de Jeanne d'Arc, et celui des pacifiques, le parti du chancelier. Celui-ci l'emportait. Le 28 mars 1430, Jeanne se trouvait avec le roi à Sully-sur-Loire. Elle était lasse des discussions incessantes avec lui et avec ses conseillers, mécontente de la voie qu'il prenait pour le recouvrement du royaume. Elle avait rassemblé les hommes d'armes de sa compagnie et terminé d'une manière peu apparente les préparatifs utiles à ses projets. Brusquement, sans prendre congé du roi et contrairement à sa volonté, elle fila, avec sa troupe, vers le nord, vers Lagny-sur-Marne, où elle savait qu'on faisait bonne guerre aux Anglais. Et il faut comprendre ici les sentiments de Charles VII, qui expliqueront sa conduite ultérieure. Sans se soucier des ordres du roi et des conventions conclues, et avec les Bourguignons notamment, et que Jeanne aurait, s'il avait agi avec l'approbation du roi, violé ouvertement, elle retournait sur les bords de la Seine et de l'Oise, donner non seulement aux Anglais, mais aux Bourguignons, bonne buffe et bon tourchon, comme elle disait. La compagnie de Jeanne d'Arc, qui se dirigeait sur Lagny, rencontra, chemin faisant, un fameux chef de guerre bourguignon, Franquet d'Arras, redoutable soudard, mi-parti brigand et guerrier. Jeanne l'attaqua, le vainquit, le fit prisonnier. Après quoi on lui coupa la tête. Ce combat du mois de mars 1430 n'a pas été mis suffisamment en relief. Ici, Jeanne commanda effectivement une petite armée. Chef de guerre, elle dirigea sa compagnie dans ce duel avec un chef de guerre adverse, condottière éprouvée, et remporta une victoire complète. Jeanne se trouvait à Crépy quand elle apprit que l'armée du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, était venue mettre le siège devant Compiègne. Philippe le Bon prétendait que cette place devait lui être remise en vertu des conventions passées avec l'armistice avec le roi de France. Mais les habitants de Compiègne, commandés par un singulier et audacieux capitaine, Guillaume de Flavy, nonobstant les injonctions du roi de France, ne voulaient rien savoir, ni entendre parler des Anglais ni des Bourguignons. Le 22 mai 1430, environ minuit, Jeanne fit réveiller ses hommes et, suivi de toute la compagnie, 300 ou 400 hommes environ, chevaucha jusqu'à l'aube. Dans la matinée du vendredi 23 mai, elle arrivait devant Compiègne et en passait les ponts-levis. Les Anglo-Bourguignons apprirent l'entrée de Jeanne d'Arc dans la ville. Ils connaissaient son caractère et savaient qu'elle ne tarderait pas à diriger contre les assiégeants une sortie à la tête de ses compagnons. Ils prirent, en conséquence, leurs dispositions et, de la manière la plus adroite, vont apporter tous leurs soins dans l'exécution. Ils commencèrent par engager des escarmouches dans les prairies humides dont la ville était bordée sur la rive droite de l'Oise. Jeanne avait chevauché sous son armure en plate d'acier de minuit à l'aurore. Qui n'eût été rompu de fatigue? Mais elle, infatigable, après quelques instants de repos, remontait sur son beau destrier gris de fer. Par-dessus son armure d'acier, elle avait passé une resplendissante huque déchiquetée en velours cramoisi battu d'or. Avec les belles armes, Jeanne aimait les beaux atours, et le roi avait mis à sa disposition tout ce qu'elle avait pu désirer. Les Anglo-Bourguignons, commandés par Jean de Luxembourg, avaient posté une grosse embûche en amont de la ville, au nord de Clairoy, dans les Boctaux qui couvraient une éminence nommée le Mont Ganelon. Une autre embûche, composée d'Anglais, avait été établie en aval de la ville, à Venette. De Clairoy comme de Venette, on pouvait se porter rapidement, par la route de Clairoy Compiègne-Noyon qui longeait la rivière, à la tête du pont qui commandait l'entrée de Compiègne. Suivie de ses gens, Jeanne passa le pont qui faisait communiquer la ville avec la rive droite de l'Oise. D'un élan impétueux, les Anglo-Bourguignons sont repoussés au-delà des coteaux qui forment les premiers ressauts du plateau de Picardie où ils avaient établi leur campement. Là, s'engagea une lutte ardente, opiniâtre. Déjà, l'horizon s'estompait dans la brume, songeant à l'effort fourni par Jeanne depuis la veille. Un cœur et un corps surhumains. Elle passait la nature, diront ses ennemis. Il semblait qu'on la voyait en 20 lieux différents, sous son éclatante hugue d'or, d'une voix ardente pressant ses compagnons. Cependant, avec le moins de bruit possible, les ribauds de Bourgogne, postés au mont Ganelon, sortaient de leurs boctaux, se laissaient couler dans la vallée et glissaient au long de la rivière pour couper aux croix blanches leur retraite sur la ville. Les Français qui bataillaient sous le limpide étendard de la Pucelle les ont aperçus. Ils crient à la jeune fille « Mettez peine de recouvrer la ville où nous sommes tous perdus !» Mais Jeanne, de sa hardiesse guerrière, « Taisez-vous, il ne tiendra qu'à vous qu'ils ne soient des confits. Sus, ne pensez que de faire rire sur eux !» Et Jeanne poussait son cheval en avant jusqu'au moment où le fidèle d'Olon, un vieil écuyer que Charles VII avait attaché à la personne de la Pucelle pour veiller sur elle, jusqu'au moment où Dolon, saisissant la monture par la bride, contraignait la Pucelle à revenir dans la direction du pont. De même qu'on voyait toujours la vaillante enfant sur la première ligne du front quand les trompettes sonnaient l'attaque, elle tint à rester la dernière pour couvrir la retraite de ses compagnons. Montre-les encore, qui écrivait pour le duc de Bourgogne, va nous la montrer dans les derniers moments de sa prodigieuse carrière militaire. Les Français, voyant leurs ennemis multipliés en nombre, se retiraient de vers la ville, toujours la Pucelle avec eux sur le derrière, encourageant ses gens, les groupant, les ramenant sans perte, capitaine habile et vigilant, jusqu'au moment suprême, et dans l'instant où ses jours étaient si gravement en danger. Ainsi criant, cognant, se culbutant, Français, Anglais et Bourguignons arrivèrent à la tête du pont. Guillaume de Flavy, qui commandait dans la place, vit la ville confiée à sa garde, menacée par le flot déferlant des ennemis. Il ordonna de tirer les chaînes du pont-levis. Jeanne, avec quelques fidèles, restait dans la plaine. Elle était perdue. Une grappe humaine s'accrochait au carapaçon de son cheval, tirait la bête par la bride, s'accrochait aux pans déchiquetés de la hutte d'or. « Rendez-vous à moi et baillez votre foi !» lui criait-il à l'envi. Chacun savait quelle rançon lui vaudrait cette capture. L'enfant répondait, sans s'émouvoir, « J'ai juré et bailli ma foi à autre qu'à vous, et tiendrai parole. » À ce moment, un archer picard, grimpé sur la croupe de son cheval, saisissait Jeanne à bras-le-corps et roulait avec elle sur l'herbe verte. La prisonnière fut conduite à Jean de Luxembourg, qui la vendit aux Anglais 10 000 écus d'or, qui ferait en valeur actuelle 20 000 000. Jeanne d'Arc sera brûlée vive à Rouen, le 31 mai 1431. Sa gloire rayonne aujourd'hui, et parmi les Anglais eux-mêmes, d'un éclat qu'aucune autre gloire humaine ne peut égaler. C'était le dernier combat de Jeanne d'Arc par Funk Brentano.